Midi 17 minutes, vous êtes dans le show Wake Up, Ismaël Trépanier, John Bouchard au News. Et si vous avez des questions, live@rocket.com et live@rocket.com via MSN, vous envoyez le tout si vous en avez bien entendu pour Alain Soral que on va saluer à l'instant. Bonjour Alain, ça va bien? Oui, oui, ça va très bien. Bon, Alain, exactement, de quel endroit nous parles-tu? De Paris, là, je suis à Paris en ce moment. Ok, dans un... Je vis entre Paris, le Pays Basque et l'Espagne. Okay. Je bouge. Alors, dans le fond, tu es dans ton petit loft, tranquille, en train de boire un café. Je sais pas, est-ce que tu es en train de boire, par exemple, un verre de vin? Non, aujourd'hui, il fait chaud à Paris, alors je suis en peignoir, nu, allongé sur mon canapé, tu vois. Alors, t'es chaud. Ah oui, tout à fait, t'es à l'aise. Il faut se la couler. Je suis à l'aise, voilà. Alors, juste pour nous remettre dans le bain, là, comment ça se fait que tu as fait une sortie en règle contre Maurice Gédantec? Explique-nous pourquoi et comment ça t'a été amené. Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il y a un site qui défend beaucoup Gédantec qui s'appelle Sur le Ring, qui a fait pas mal de sorties contre moi. Ils avaient fait un texte qui s'appelait Alain Soral, le skinhead totoman, donc ils étaient un peu injurieux. Et puis là, l'autre jour, dans une interview, on m'a posé une question sur Gédantec. Et j'ai dit, Gédantec, c'est pas sérieux, parce que les gens nous comparent souvent, hein. On a des lecteurs en commun, bizarrement, parce qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels on est d'accord, hein. Okay. Sur le gauchisme, sur les droits de l'homme, sur le féminisme, sur le, toute cette social-démocratie de gauche, là, on est à peu près d'accord. Il y a un sujet sur lequel on n'est pas d'accord, c'est sur, savoir si c'est l'Amérique qui va sauver l'Europe, quoi, je dirais. Moi, je pense que c'est le contraire. Gédantec s'est rallié derrière la bannière étoilée, et moi, je pense que l'Amérique n'a pas du tout l'intention d'aider l'Europe à se sortir de la merde, quoi. Pourquoi? Donc, pourquoi l'Amérique n'aurait pas justement ce vouloir d'aider l'Europe à se sortir de la merde? Parce que je pense qu'on leur sert de bouclier face à la montée des Chinois, et je pense qu'ils redoutent la montée de l'Eurasie, c'est-à-dire d'une alliance France-Allemagne-Russie. Okay, okay. Je pense que leur intérêt n'est pas que l'Europe soit puissante. Je pense qu'ils s'y sont toujours opposés et qu'ils continuent. Donc je pense que c'est pas une bonne stratégie de penser que l'Amérique pense à nous. Je pense que l'Amérique pense à elle. Alors moi je suis pas américain, je suis français et je suis un peu gaulliste, gaullien et dans les moments graves on peut se sentir solidaire de ces gens-là, mais dans les périodes intermédiaires comme les nôtres, je suis un peu comme De Gaulle à partir des années 50. Okay. Je me méfie un peu du parapluie américain. Okay. Hein, je me méfie du plan Marshall, je me méfie de l'OTAN et je vois que récemment c'était un des points d'opposition avec Gédantec. Je pense que les Américains, partout où ils sont passés récemment, ont mis les musulmans en place. Ils l'ont fait en Bosnie contre les Serbes, ils l'ont fait avec les talibans en Afghanistan contre contre des laïcs, ils ont mis les chiites au pouvoir en Irak, et je pense qu'en fait, ils tapent sur les Arabes, mais en même temps, ils les mettent en place pour avoir une raison de venir leur botter le cul, et en réalité, d'encercler la Russie, de bloquer la progression de la Chine, ouais, et de s'opposer finalement à la progression eurasiatique dont nous faisons partie. Voilà. C'est mon analyse géopolitique. Et je disais à Gédantec que soit il fait la même analyse, okay, soit s'il fait pas celle-là, c'est qu'il faut qu'il relise un peu les grands géopoliticiens, quoi. Voilà. Ok. Mais Alain, est-ce que tu crois pas que ça sort tout droit d'un film, là, ce que tu viens de me dire? Que c'est les Américains qui prennent justement les personnages qui sont probablement d'origine arabe et que c'est eux qui les placent là? Tu crois pas que c'est oui, un peu... Sûr, c'est la vérité. C'est la vérité. Ils sont allés détruire la Yougoslavie, les Allemands, eux, s'étaient mis avec les Croates et les Slovènes, qui okay, étaient des catholiques, et c'est les Américains, on se rappelle bien d'ailleurs du rôle de Bernard Henri Lévy, pour pousser les Bosniaques et les Albanais, qui étaient des musulmans, et on sait très bien les amitiés, on sait très bien les alliances contre nature qui ont été passées. En ce moment, les Américains ont viré un laïc bassiste qui s'appelait Saddam Hussein d'Irak pour mettre les chiites au pouvoir, c'est pas de la science-fiction, c'est la réalité. Et en Afghanistan, il y avait un régime laïque, on sait très bien que ce sont les Américains qui ont financé les talibans, et on sait très bien que Ben Laden était un agent américain. Donc je veux dire, les Américains en même temps désignent les musulmans et les Arabes contre des ennemis, mais font tout pour les mettre en place, parce que je pense que c'est leur adversaire, c'est ce qu'on appelle comme c'est un combat truqué. Oui. C'est-à-dire qu'ils se choisissent un adversaire à leur mesure pour avoir des raisons d'intervenir dans ces régions-là. Voilà, donc je suis persuadé qu'ils jouent un double jeu. J'en suis certain. Mais je pense que l'a compris aussi. Hein. Alain, en train de persuader et à être certain des informations que tu nous amènes comme ça, c'est deux poids deux mesures. Par exemple... C'est simple, pourquoi les Américains ont mis les chiites au pouvoir en Irak? C'est une réalité. Ou alors ils sont très bêtes, ou très maladroits. Mais qu'est-ce que la méfiance, Alain de Gaulle, nous a pas amené dans la situation de dégradation que nous connaissons en ce moment, là, de votre côté, là? Non, mais moi, je pense qu'on vit une situation très dégradée en France aujourd'hui. à cause de l'immigration, mais c'est pas parce que ces gens-là sont des musulmans. En réalité, c'est parce que ces gens-là sont des délinquants sur le modèle américain ultra-libéral, ultra-communautaire. Les gens qu'on a dans les banlieues où Dantec ne va plus, ils sont habillés en américain, en Nike, vous voyez, ils sont habillés en sportswear américain et ils se prennent pour des sous-prolétaires américains du ghetto. S'ils étaient plus français, et s'ils étaient moins communautaires, et même s'ils étaient plus musulmans, on aurait moins de problèmes. Ils ne sont pas du tout musulmans, c'est ça le problème. Oui, mais je pense que... C'est un des problèmes. Je suis d'accord que... Alain, qu'ils s'habillent avec des vêtements américains, ça c'est vrai. Ils ne sont pas des musulmans, ils n'ont pas été élevés du tout dans la religion. Non. Ils sont ultra-libéraux, ce sont des voyous. Voilà, et je ne pense pas que l'islam est spécialement une religion de voyous. C'est-à-dire que l'islam pose des problèmes pour certains... Comme je l'ai dit tout à l'heure, Alain, entre ne pas penser que c'est spécialement... Et être, c'est vraiment deux choses différentes. Je pense que tu es d'accord là-dessus. Il y a une chose. Moi, dans mes livres, j'écris des choses assez complexes, assez mesurées. Si tu lis mes livres, j'en ai publié 9 jusqu'à présent. Oui, j'ai vu sur ton site. C'est de se mettre à délirer sur un espèce de djihad planétaire. Et là, je me dis, il délire. Et il faut faire attention parce que dans son délire, comme il a un côté science-fiction et un côté écrivain et donc homme de fiction, il se prend d'un seul coup pour un espèce d'homme politique. Et comme il a des lecteurs très jeunes, il pousse à la violence des jeunes. Et ça, je pense que c'est dangereux. Voilà. Parce que de toute façon, ça ne peut pas avoir d'effet positif. Voilà. Est-ce que tu es au courant, Alain, qu'il y a eu 17 présumés terroristes ici, membres du djihad, ici en Ontario? Ouais, mais moi, je suis pas en Ontario, je suis en France. Alors, le problème de Dantec, c'est que... Je fais référence à ce que tu viens de me dire concernant qu'il y a un djihad planétaire, c'est pour ça. Puis il y en a eu un juste ici à côté du Québec, c'est en Ontario, ils viennent juste d'être arrêtés. Oui, mais moi je pense que c'est plutôt les Arabes qui sont humiliés par l'impérialisme américain, et effectivement que la montée de l'islamisme est plutôt une réaction de défense et de colère d'une civilisation et d'une zone géographique qui en ce moment est agressée en permanence. Mais il faut pas oublier quand même que c'est nous, les Occidentaux, qui dominons les Arabes, et nous le faisons depuis plusieurs siècles. Nous-mêmes avons envahi tout le Maghreb, avons botté le cul des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, et aujourd'hui, si on a plein de Maghrébins en France, et de plein de musulmans en France, c'est que c'est nous qui les avons fait venir. Ils nous ont pas envahis avec des armes, mais avec des balais. On les a fait venir pour balayer nos rues. Alors, t'es d'accord, Alain, que, justement, t'es d'accord de la manière dont ils agissent pour se faire entendre? Ah ben ça, c'est le problème des gens émotifs et en colère et pauvres et qui n'ont pas beaucoup d'éducation livresque, c'est qu'ils sont un peu brutaux, certes, mais ça, je ne le nie pas du tout. Dans mes livres, je le dis beaucoup, ça aussi, c'est pour ça que des gens pensent que Dantec et moi, on est proches. Okay. Mais il y a aussi une autre question sur laquelle je ne suis pas d'accord avec Dantec, c'est le sionisme. Le sionisme. Okay. Je ne vois pas comment Dantec, qui se réclame de Léon Blois, des pères de l'Église, et qui cite en permanence Joseph de Maistre, Bonald et Céline, peut se retrouver, à un moment donné, proche des sionistes. Là, je me dis, c'est une alliance de circonstances, et je la trouve à la limite de la malhonnêteté. Moi, je suis en France, et j'ai pas du tout l'impression que les sionistes calment la situation en France sur les problèmes communautaires et d'immigration. J'ai plutôt l'impression qu'ils sont un des facteurs d'aggravation des tensions et je dirais un peu de dislocation de la France en tant que république qui au départ n'admet pas les communautés. Mais qu'est-ce qu'il faudrait, selon toi, Alain, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour stopper, exemple, la violence qui ne fait que grimper en France? Moi, je parle de la situation française. Oui. En France, il faut réaffirmer la République. Dans la République française, il n'y a pas de communauté. C'est-à-dire qu'il y a des citoyens et on sépare la sphère publique de la sphère privée. Et dans la sphère publique, il n'y a pas de musulmans, de juifs. Il y a des citoyens français de confession juive ou de confession musulmane. Or, il se trouve que depuis des années en France, on ne parle plus de citoyens de confession ou d'origine juive, mais on parle de juifs de France, de communauté juive, de peuple juif qui affirme leur solidarité avec Israël de façon de plus en plus brutale et apodictique. Et ça a créé une jurisprudence dans laquelle se sont engouffrés les Français d'origine musulmane ou de confession musulmane qui se mettent à faire du communautarisme violent et à déclarer leur soutien au peuple palestinien comme les Français d'origine juive déclarent leur solidarité au peuple israélien. Ce qui fait qu'on a importé sur le territoire français une lutte israélo-palestinienne qui ne devrait pas exister. Mais ceux qui ont commencé, à mon avis, ce sont plutôt les sionistes. Et donc je leur demande de montrer le bon exemple. Or aujourd'hui, on fustige toute une gauche pro-palestinienne et toute une immigration pro-palestinienne qui n'ont fait finalement que répondre à une communauté juive très très ouvertement pro-sioniste. voilà. Et je dis, il faudrait arrêter d'importer en France le conflit israélo-palestinien. Et malheureusement, je dis, les juifs ne donnent pas le meilleur exemple. Or, Dantec, je crois, ne vit pas en France et ne se rend pas compte de cette situation. Okay. Et c'est ça que je lui reproche. Okay. Et là, je me suis un peu moqué de lui. Bon, c'était un peu c'était sur le ton de l'humour. Mais quand pourquoi même. Oui, c'est sûr que c'était sur le ton. Une discussion sérieuse avec lui. Hein. Mais comment ça se fait que, Alain, toi, qui es un adulte, tu te moques du physique comme ça de Maurice Gédon? Dantec, je te pose la question comme ça aussi naïvement. Parce que Dantec a beaucoup parlé de violence physique, il a dit je casse la gueule, il s'est pris en photo un peu dans des gros 4x4, il a un peu joué à Rambo. Okay. Et là je me suis un peu moqué de lui parce qu'au début je l'ai provoqué en duel, je dis si Dantec joue les Rambo, on peut se faire un combat puisque puisqu'il n'y a pas de dialogue. Si il n'y a pas de dialogue intellectuel, on peut se faire un peu dans son ambiance Fight Club, puisque je crois qu'il est un peu fasciné par Palahniuk qui est le Fight Club. Je veux dire, on peut se faire un combat de boxe, à la limite. C'était pour rire un peu, vous voyez. Et là, j'ai eu des gens qui se réclament de lui, qui ont d'ailleurs rien compris, qui m'ont menacé de violence, qui m'ont dit qu'ils allaient m'envoyer des Croates. Okay. Et c'est pour ça que j'ai fait mon petit mea culpa. C'était pour me moquer un peu de cette dérive. Et je pense que Dantec est un peu responsable de ça, parce que okay. Il joue un peu trop. Au matamore, quoi. Il joue au chef de ligue, mais il joue au chef de bande. Si Or, il n'est pas ça. Il est un écrivain solitaire, en plus. Alain, si je te dis ceci, 500 000 juifs qui auraient commencé d'une certaine façon face aux millions de gentils musulmans, c'est une blague, là? Mais je ne dis pas ça. Je te dis qu'en France, il n'y a pas de juifs et de musulmans. C'est ça, exactement. Je veux savoir, c'est quoi que tu dis, toi? Je dis, en France, il n'y a pas de juifs et de musulmans, il y a des Français. Et à un moment donné, on est dans une République française. Ce que je ne comprends pas, c'est que d'un seul coup, des Français de confession d'origine juive se présente plutôt comme juif et comme juif sioniste plutôt que comme français, et du coup par réaction des Français d'origine maghrébine, eux, par opposition, disent qu'ils sont pro-palestiniens. Et je reproche à ces gens-là, des deux communautés, parce que moi j'ai critiqué les deux communautés, d'oublier qu'ils sont français sur le sol de France et de se présenter les uns comme sionistes, les autres comme palestiniens, et d'importer en France un conflit qui ne nous, quelque part, n'a pas beaucoup de lien avec la France. Et ça pourrit la situation française, voilà. Donc je dis aux uns et aux autres, faites des efforts. Okay. Mais je dis, on ne peut pas dire aux Maghrébins de faire des efforts si on ne dit pas aussi aux Français d'origine ou de confession juive de faire des efforts. Or, en ce moment, il y a un climat bizarre où on montre beaucoup du doigt les musulmans et pas beaucoup du doigt les juifs. Et on fait surtout l'amalgame entre la délinquance maghrébine, qui est liée aux gauchistes, ouais, qui est liée à mai 68, et à une certaine ré-islamisation des banlieues, qui est d'ailleurs toute relative. Okay. Parce qu'en réalité, on a vu pendant les émeutes du mois de novembre que ce n'était pas du tout des émeutes musulmanes, les imams n'ont pas réussi à calmer, ce sont des gamins qui se prennent pour des noirs américains du ghetto, et qui nous refont plutôt les émeutes de San Francisco, là, des émeutes de Los Angeles. Tout à fait, ouais. Mais pour me dire ça, là, dans le fond, Alain, là, est-ce que tu as lu le Coran? Est-ce que tu as lu le Coran? Est-ce que tu sais oui, ce qu'il y a à l'intérieur? Oui, le Coran, traduit évidemment par Étienne et par Rodinson, donc j'ai lu deux versions, et okay. Je connais la question du djihad, la question de la dhimmitude, la question de l'impérialisme musulman, je connais ça très bien, et je dis pas que je ne me méfie pas d'un certain impérialisme musulman, mais je pense qu'aujourd'hui en France, ce n'est pas le plus grand danger. Ah non, et je pense que le monde occidental n'est pas en train d'être colonisé par les musulmans, je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'on a fait venir des immigrés, et qu'aujourd'hui ces immigrés, pour des raisons de souffrance sociale, se réislamisent. Et effectivement, ça crée des forces musulmanes, okay, qui font un peu de prosélytisme. Mais je pense que... C'est pas mauvais. Je pense que Dantec surévalue ce danger, et je me demande même si quelque part il n'est pas en train de faire de la science-fiction, c'est-à-dire si quelque part ça ne l'amuse pas. Je veux dire, je me suis même pas sûr, ouais, que c'est très sérieux. Mais je peux vous dire qu'en France... En France, le danger, c'est pas la prise du contrôle de la République française. Mais je comprends ton point de vue, Alain, je comprends ton point de vue quand tu dis que Dantec fait de la science-fiction, mais toi, tu n'en fais pas de la science-fiction quand tu parles que t'as baisé 700 femmes? Ah non, moi, je parle pas de la science-fiction, c'est de la sociologie. C'est ce qu'on appelle le panel représentatif. Ouais, ok. C'est des sondés, tu vois. Ok. Non, mais moi, je fais de la socio amusante, mais je fais pas de la science-fiction. Ok. Je fais être réaliste. Et je dis qu'aujourd'hui, en France, le pouvoir islamique n'est pas très fort, voilà, et parce que je l'ai vérifié quand même, j'ai étudié la question, j'ai rencontré les uns et les autres, et je pense que le pouvoir sioniste est beaucoup plus puissant en France que le pouvoir islamiste. Là, évidemment, après, il y a le problème du nombre, mais je pense que ce n'est pas en insultant les musulmans de France et en les défiant physiquement qu'on en fera des citoyens français. Hein. Ouais. Je pense que c'est plutôt en essayant de les faire sortir de la situation sociale du chômage. Voilà. Mais il reste pareil, Alain, que les Français se sentent mais carrément dénaturés. Ils ont l'impression qu'ils ne sont plus chez eux. Et toi, tu vas carrément à l'inverse de ce que eux ont comme impression. Et je crois que tu es au courant quand même qu'il y en a énormément qui nous écoutent en ce moment et qui me disent, ben, Caroline, c'est vrai, on a l'impression de ne plus être chez nous comme ce l'était. Est-ce que cette impression... Oui, c'est pour plusieurs raisons qui s'additionnent. Et la raison majeure, effectivement, est l'immigration. Okay. Mais cette immigration, ce sont nos gouvernants français, Giscard d'Estaing, Monsieur Chirac, qui ont fait ce qu'on appelle une immigration de non pas de travail, mais une immigration de comment je ne me rappelle plus le terme exact, enfin, ce qui s'appelle le regroupement familial. Le regroupement. C'est-à-dire que cette invasion, on va dire, des gens du Maghreb a été voulue par le patronat français et les politiques français pour des raisons, je dirais, économiques, parce qu'ils pensaient faire comme ça un prolétariat de réserve et casser les acquis sociaux des Trente Glorieuses et des travailleurs français. Mais il reste quand même, Alain, c'est pas les Juifs, Alain, et je pense que tu es d'accord, c'est pas les Juifs qui crament, qui brisent et qui foutent à feu les voitures, quand même, et qui cassent la gueule des Français blancs. Je vais te dire un truc beaucoup plus précis. Vas-y. C'est la LICRA, qui est quand même une association totalement juive, oui, qui a empêché les Français de souche comme moi de se plaindre depuis les années 60 de la délinquance d'origine immigrée, et qui ont protégé systématiquement, c'était le travail de la LICRA, l'immigration contre les Français de souche. Et depuis la deuxième intifada, parce qu'ils ont vu que ces immigrés d'origine maghrébine étaient finalement, par solidarité pro-palestinienne, beaucoup plus antisémite que les Français de souche dont je suis, qui ont retourné leurs alliances. Mais n'oublie pas que ce sont les élites juives de gauche, et notamment la LICRA, qui a systématiquement envoyé en prison et au tribunal les Français de souche comme moi quand ils se plaignaient des dangers de l'immigration maghrébine. Donc aujourd'hui, il faut qu'ils assument leurs responsabilités dans cette histoire, tu vois. Lis l'histoire de la LICRA, lis l'histoire de l'intelligentsia de gauche, lis l'histoire des éducateurs trotskistes et du rôle catastrophique qu'ils ont joué dans la politique et l'idéologie pro-immigrationniste. Et c'est là où il faut faire son mea culpa, tu vois. Oui. C'est que toute cette apologie de l'immigration et du métissage vient des élites juives de gauche trotskistes de France, tu vois. Okay. Et c'est ça le fond du problème. D'une certaine façon, il y a une guerre à l'intérieur de la communauté juive, il y a une guerre interne entre les juifs de gauche pro-immigrationnistes et les juifs de droite anti-immigrationnistes. Et bien que ces gens-là règlent leurs problèmes entre eux. Nous, Français de souche, on n'a fait que subir et l'immigration et le communautarisme, tu vois. On est victimes de tout ça. Et moi, je pense que le regroupement familial était une catastrophe, mais ce regroupement familial a été voulu par nos élites, politiques et notamment par l'intelligentsia qui est très liée, de la LICRA et l'intelligentsia trotskiste, qui est très liée historiquement aux élites intellectuelles juives. Et ça, c'est une réalité. Et j'aimerais bien que Dantec s'y intéresse, s'il avait un peu de courage, parce que pointer ça du doigt, c'est s'attirer beaucoup d'ennuis en France. Okay. Et il y a des gens qui veulent pas faire leur autocritique. Alain, est-ce que un Alain Soral va soutenir Dieudonné pour les élections à la présidentielle? Non, je soutiens pas spécialement Dieudonné pour les élections à la présidentielle, je soutiens Dieudonné au nom de l'égalité républicaine et au nom du droit de s'exprimer. C'est-à-dire que moi... Okay. Alors tu soutiens les commentaires de Dieudonné d'une certaine façon? Comment? T'es d'accord avec les commentaires de Dieudonné, d'abord? Bien sûr, je suis d'accord avec le droit de Dieudonné de s'exprimer. Mais par contre, s'exprimer. Je suis pas plus proche de Dieudonné politiquement que de Le Pen, hein. Je suis entre les deux aujourd'hui. Ok. Je suis pour la liberté d'expression totale. Or aujourd'hui, un type comme Dantec a le droit de dire des choses assez brutales en France sans s'attirer d'ennuis et de procès. Et que je sache, il n'a eu aucun procès en France. Et je m'en réjouis car je suis contre la judiciarisation, la persécution. Je suis pour la liberté d'expression totale. Okay. Okay. Et je ne reproche rien à Dantec. Je dis que moi, quand j'ai dit le dixième de ce qu'il a dit en m'attaquant plutôt aux sionistes et aux élites intellectuelles juives proches de la LICRA, qui aujourd'hui d'ailleurs sont dans une contradiction totale, puisqu'il y en a qui sont très anti-immigration et les autres qui continuent à soutenir l'immigration, quand j'ai dit le dixième de ce qu'a dit Dantec, je me suis attiré beaucoup d'ennuis. Donc moi, je réclame l'égalité, et je suis contre le deux poids deux mesures. Je réclame la liberté pour Dantec d'avoir peur et de pointer du doigt les musulmans, et moi je réclame la liberté pour Soral de pointer du doigt les contradictions à l'intérieur de la communauté juive sur la question de l'immigration maghrébine en France. Voilà, tu vois, c'est ça le vrai sujet. Voilà. On le fait, Annel. Dans la situation française, tu dirais qu'il y a un vrai problème à l'intérieur de la communauté juive aujourd'hui, de la tendance de gauche qui continue à défendre l'immigration au nom de l'antiracisme. Tu vois, Alain, la tendance de droite. Alain, j'ai ici effectivement que la France calcule. Oui. Alain, j'ai un commentaire de Dantec ici qui dit que depuis 2000, Saddam montrait des signes de glissement vers l'islamisme. Qu'est-ce que t'en penses, Alain? Ben, s'il a glissé vers l'islamisme, c'est que l'embargo américain et le lâchage de tous les pays occidentaux ne lui ont pas laissé d'autre choix. Or, en réalité, comme leader du parti basse et des nationalistes comme les Syriens, ils étaient historiquement, notamment comme Kadhafi, le Libyen, oui, la plus grande force, j'irais, nationaliste, et ça s'inscrivait plutôt dans une tradition nassérienne. Et on sait très bien que le destin des pays arabes était plutôt la laïcité. On l'a vu avec Atatürk. Or, en réalité, c'est plutôt le retournement des Américains, et on l'a vu avec Mogadesh, après on l'a vu d'ailleurs, on l'a même vu d'ailleurs avec le Shah d'Iran. On sait très bien que les Américains n'ont pas du tout empêché Khomeini de prendre le contrôle de la Perse, enfin de l'Iran, parce qu'ils avaient peur des fantasmes impérialistes du Shah d'Iran qui leur avait un peu échappé. Et moi je crois que les Américains jouent souvent un jeu dangereux avec les musulmans, et que normalement les Américains jeu se joue à deux aussi, Alain. Il se joue à trois, parce qu'il y avait les Russes dans l'histoire. Les Russes aussi dans l'histoire, c'est ça, mais ça ne joue pas tout seul. Les Américains se sont mis à devenir aussi anti-islamistes et à faire... T'oublies quelque chose. Les musulmans aussi, ils faisaient partie justement de ce grand jeu. Oui, mais les musulmans sont les moins forts du jeu. Les plus forts sont les Américains. Aujourd'hui, les Russes sont tombés. Les Européens, finalement, n'ont pas d'armée, entre guillemets. C'est une petite puissance, c'est une grosse puissance, mais seulement économique. Et en réalité, moi, ce que je refuse d'admettre, c'est qu'aujourd'hui, l'empire musulman est l'empire le plus faible de tous. Il a surtout une puissance orale, une puissance incantatoire, et une force, la force des faibles, qui est le terrorisme, mais qui est la force des faibles. En réalité, ils se sont fait battre militairement, systématiquement, partout. Et ils n'ont aucune capacité de nous envahir. Et à la limite, leur seule puissance de nuisance, c'est de transformer quelques sous-prolétaires maghrébins de banlieue en bombes humaines. Mais même L'Iran est rendu quand même avec justement la possibilité de confectionner des armes d'autodestruction massive. Ils ont le nucléaire, là, l'Iran. Puis là, ils font languir un peu. Pour l'instant, ils ne l'ont pas. Ils l'ont, Alain. Et quand même. On sait bien que si l'Iran veut se doter de la bombe, c'est que l'Iran a très peur de l'encerclement de l'Iran par les Américains qui ont conquis l'Irak, et qui sont positionnés dans tout l'ancien glacis soviétique. Ils sont encerclés en fait par la puissance américaine et leurs alliés sionistes dans la région. Tu sais autant bien que moi, Alain, que les musulmans détestent énormément les valeurs occidentales. Mais les musulmans détestent d'autant plus les valeurs occidentales qu'on essaie de leur imposer les valeurs occidentales. Tu sais très bien que le pauvre empire arabe, arabo-musulman, est le dernier qui résiste, on va dire, à la déferlante occidentale, qui est en fait la déferlante américaine, c'est-à-dire la société libérale consumériste. Ouais, mais lorsqu'on va habiter à un endroit, il faut nécessairement aussi adopter, d'une certaine façon, les valeurs d'où est-ce que tu vas habiter. Ça va de soi. Exemple, moi, si je vais en Afghanistan, j'irai pas commencer à dire que je suis catholique. Je sais très bien que je vais me faire couper la tête ou on va me foutre en prison. Je pense que ça fonctionne comme ça. Et ça va de soi. Viens pas me dire que, justement, lorsqu'ils vont en Europe et faire éclater, ils vont briser tout, ils vont tout saccager. Viens pas me dire que c'est juste des délinquants. Qui a détruit le catholicisme en France? Ce ne sont pas les musulmans, ce sont les gauchistes, ce sont les trotskistes, hein? Ce sont certaines élites que tu connais très bien. Le catholicisme en France n'a pas eu besoin des musulmans pour être détruit. Ce sont les petits bourgeois de gauche français qui ont craché sur le catholicisme, sur le pape, et qui ont dégueulé sur toute leur histoire. Je veux dire, nous avons nous-mêmes fait le travail, et quand je dis nous, c'est pas moi. Je veux dire, ce sont les élites de gauche françaises, les élites trotskistes, okay. Tu vois. Le travail a été fait bien avant que les musulmans arrivent. Les musulmans ne font que ramasser un cadavre, tu vois ce que je veux dire. Ils ne font que piétiner un cadavre. C'est Charlie Hebdo qui dégueule sur le pape et sur la catholicité. Hein, toi, t'es considéré comme un mécréant au niveau de l'islam, ok? T'es considéré comme un mécréant au niveau du Coran. T'es d'accord avec ça, toi? Et aussi... Moi, je veux te dire un truc, c'est que moi, j'ai voulu aller voir le film de Mel Gibson qui s'appelle La Passion du Christ. Oui. Qui n'est jamais que l'Évangile selon saint Matthieu. T'as perdu ça. Il m'a voulu m'empêcher de voir ce film en France. C'est un arabe qui s'appelle Tarak Ben Amar qui nous a permis de le voir. Et c'est le Mnibret. Et ce sont toutes les élites juives mondiales qui voulaient nous empêcher de voir ce film sur notre histoire et sur la Passion du Christ. Donc, le problème est là, c'est que je pense que les musulmans n'ont pas plus la haine du Christ que certaines élites dont je ne peux pas trop parler, tellement c'est dangereux d'en parler. Bon. Mais je te rappelle que Pour le film de Mel Gibson, ce ne sont pas les musulmans qui nous ont voulu nous empêcher de renouer avec notre histoire chrétienne. Ce sont d'autres élites parfaitement identifiées, tu vois. Donc moi, je te dis, je suis un catholique, bien plus que Dantec, parce que je ne me suis pas converti, je suis né catholique et baptisé, je suis profondément catholique, tu vois, et profondément chrétien, et je te dis que les gens qui détestent le Christ et ce qu'il représente sont plutôt aujourd'hui les chrétiens sionistes, c'est-à-dire à la limite qu'aujourd'hui, un protestant sioniste déteste peut-être plus le Christ qu'un musulman, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai l'impression aussi, Alain, puis ça pourrait être normal de depuis tout à l'heure qu'on discute ensemble comme ça, et j'apprécie notre conversation, parce que on débat de quelque chose qui est maintenant à l'échelle planétaire, c'est-à-dire l'islamisation partout à travers la planète. Et oui, peut-être, d'une certaine façon, ce n'est pas une puissance, mais elle est en devenir, et si on ne stoppe pas cette puissance, laisse-moi terminer, si on n'empêche pas la puissance qui risque un jour de faire au même titre que Hitler, qui est, lui, Hitler, hein, avait des penchants justement vers l'islamisation, eh ben, c'est clair, mon ami, qu'on va s'en faire éclater, c'est clair qu'on va se faire éclater la gueule, et rapidement. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a l'impression depuis tout à l'heure, Alain, que on cherche toujours des excuses pour, dans le fond, d'une certaine façon, là, tu sais, modérer l'islamisation, modérer les musulmans. C'est pas ça que je dis. C'est pas ça que tu dis. Ben, explique-moi comme il faut pour qu'on te comprenne. Je dis clairement que moi, en tant que catholique français et européen, je pense que pour sauver ce qui est ma civilisation, civilisation helléno-chrétienne, civilisation gallo-romaine, je fais beaucoup plus confiance à Poutine, n'est-ce pas, éco-sioniste et éco-chrétien sioniste. Voilà, c'est ma conviction et elle est payée par des faits. Je pense que soit Dantec se trompe, soit il veut pas comprendre, soit il est trop loin du terrain. Et je pense que ce ne sont pas les musulmans qui ont détruit le catholicisme français. Le catholicisme français est détruit depuis deux siècles. Il a été détruit par la maçonnerie, hein, il a été détruit c'est une histoire parfaitement identifiée. Les musulmans ne font qu'aujourd'hui monter sur un vide qui a été créé par une tradition qui se prétend républicaine et qui est en fait une tradition qui me paraît d'ailleurs beaucoup plus maçonnique, qui a systématiquement détruit nos traditions chrétiennes et catholiques. Voilà, donc il faut pas se plaindre aujourd'hui que des gens soient fascinés par un monothéisme viril qui est l'islam, parce qu'en réalité cette progression ne se fait pas de manière guerrière, mais sur un vide que nous avons créé nous-mêmes, qui est la destruction de nos propres valeurs et de nos propres valeurs chrétiennes et catholiques. Et quand on se réclame de Léon Blois, moi j'ai lu entièrement Léon Blois et Dantec l'a lu, d'un seul coup, je vois pas comment on peut être chrétien sioniste en ayant eu Léon Blois. Mais il faut être honnête, tu vois. Oui, tout à fait, mais Alain, est-ce que toi, en tant qu'individu, t'es une personne qui est jalouse du succès des autres? Jalouse des autres? Pas du tout. Moi, je suis 87, 85 kilos, j'ai une bite de 20 cm, une femme sublime, et j'ignore la jalousie, tu vois ce que je veux dire? Et par ailleurs, je suis un garçon charmant et plein d'humour. Ah oui? Je suis sérieux sur les sujets sérieux. Et je demande à Dantec, à un moment donné, d'être sérieux. Et ce que je vois, c'est que Dantec pratique beaucoup l'anathème, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup il est beaucoup dans la logorée. Et d'ailleurs, il le fait assez bien, il a du talent. Mais c'est souvent au détriment de l'argumentation. Parce que, par exemple, je ne vois pas comment Dantec peut demander se réclamer de Léon Blois et penser que ce sont les musulmans qui ont détruit la catholicité, quand toute relève de Léon Blois est de montrer la destruction de la catholicité par la République, qui est en réalité les maçons. Et ça, c'est l'œuvre de Blois. Donc, à un moment donné, soit Dantec est bloyiste, soit il ne l'est pas. Mais on ne peut pas être bloyo-sioniste. Ce n'est pas possible. C'est schizophrène. Ou alors, il faut s'appeler Finkielkraut, et dans la schizophrénie totale. Oui. Et ça, c'est pas mon problème. Et je pense que là, on est dans la psychopathologie. On n'est plus dans la sociologie, on n'est plus dans la géopolitique, on n'est plus dans le monde des idées. Mais Alain, parlons, tombons sur un volet humoristique. Est-ce qu'on peut, parce que tu as parlé de l'acné de Maurice Gilantec, est-ce qu'on peut parler de ta calvitie très prononcée? Oui, c'est lié à ma testostérone. C'est que j'ai beaucoup d'hormones mâles, et donc, physiquement, d'ailleurs, les sionistes trouvent que je ressemble un peu à Moshe Dayan, tu vois. Ils malade. Moi, j'ai un très grand respect pour le général Moshe Dayan. J'ai un très grand respect pour les hommes qui assument leur position virilement et qui t'affrontent de face. Voilà. Et moi, j'ai rien contre Dantec, mais je dis que Dantec, c'est facile de cracher sur les musulmans planqués au Québec à 6000 km, et que s'ils veulent à ce point-là sauver la France, qui est mon pays et qui est ma terre maternelle, qu'ils reviennent chez nous se battre ici, et ils verront de près que finalement, ils voient pas bien le problème. Parce que je pense qu'ils mélangent la situation américaine et la situation française, qui n'est pas tout à fait la même. Et peut-être que moi, si j'étais américain, je serais républicain et antidémocrate, ce que je comprends tout à fait. Mais en tant que Français, qui défend les intérêts de la France et de l'Europe telle que je la conçois, c'est-à-dire de cette Europe chrétienne, qui était plutôt, à mon avis, incarnée par les Serbes, que par les Bosniaques, tu vois ce que je veux dire? Oui. Je pense que Dantec là se trompe, alors soit c'est parce qu'il est trop loin, soit c'est parce qu'il a des intérêts à se tromper. Et là, je veux pas mettre le doigt sur quelque chose de dangereux. Mais tu ne crois pas. Je me demande si quelque part on va pas passer des accords. Mais Alain, tu crois pas que, dans le fond, ta calvitie est liée directement à ton alcoolisme profond? Non, parce que je ne suis pas du tout alcoolique. Je suis professeur d'éducation physique, sportif de haut niveau, et je ne suis absolument pas catholique, okay. Pas absolument pas alcoolique. Excuse-moi, tes informations sont mauvaises. L'autre jour, je buvais de la grenadine. C'était pour faire français. Et en fait, c'était de la grenadine. Là, je ne suis pas du tout alcoolique. Ok. Mais moi, j'ai rien contre les alcooliques, ils ont un certain charme. Par contre, on m'a dit que Dantec, c'est tout à son honneur, fumait beaucoup de pétards. Et peut-être que quand il a trop fumé de pétards, il se met à délirer. Mais moi, j'ai rien contre le pétard. Hein. Je me dis, des fois, Dantec délire un peu. Il ne devrait pas uniquement se faire prendre en photo avec son M16, il devrait se faire prendre en photo avec son M16 et son pétard, qui est son vrai M16. Son M16 d'homme de plume. Mais ça vient de moi, ça, Alain. C'est moi qui avais tilté un peu, là, qui avait dit que justement, je serais prêt à partir avec mon M16 n'importe quand. C'est de ma faute, ça. Mais... Oui, mais à la limite, c'est rigolo, moi, j'ai rien contre. Mais comme les gens ne comprenaient pas pourquoi je m'étais moqué de Dantec, j'ai restitué la chose dans le contexte. Je me suis dit, quand un mec peut aller aussi loin dans la déconnade, il doit admettre qu'un autre puisse déconner sur lui. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, ce que j'admets pas, c'est que les Dantecciens, qui croient parler en son nom, ce qui est d'ailleurs une erreur, se permettent de délirer sur des histoires de milices, de cassage de gueule, parce que moi, ils m'ont menacé de m'envoyer des mercenaires croates, que des conneries, quoi. Je veux dire, à un moment donné, je leur ai dit, ben, venez. Mais à la limite, je préférais que Dantec vienne lui-même. Ça serait plus drôle. Ok. Parce que t'es boxeur, Alain, c'est ça, hein? T'es un boxeur? Comment? T'es un boxeur, c'est ça? Oui, je suis instructeur fédéral de boxe anglaise. C'est vrai? Je suis gant d'argent de boxe française et je suis un ancien boxeur qui est professeur de boxe, oui. La boxe anglaise, il me semble, je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu l'impression que c'était très homosexuel comme boxe. De quoi? Quelle boxe? Ben, la boxe anglaise, c'est bien ça? Oui, si tu veux, oui. Est-ce que c'est toujours la même technique, exactement, que depuis qu'elle a été inventée ou ça a changé un peu? Ah non, ça évolue, maintenant on est dans le pied-point, moi c'est plutôt le cas, hein, tu vois, le tout ce qui est free fight et tout ça, maintenant on est dans la boxe libre. Bon, ça a changé. On peut dire que c'est un CPD, si tu veux, oui, c'est pas un problème. On dit la même chose des rugbyman, on dit la même chose des judokas. Ce qu'il faut, c'est pouvoir le dire en face. Dis-moi, il y a aussi une autre question qui m'arrive toujours via le live@rocket.com. Le catholicisme, le pur et dur, là, hein, qui soit disparu dans le fond, n'empêche pas une population d'avoir une morale et un respect envers les autres hommes, ce que l'islam ne fait pas du tout. Et ça, tu peux pas vraiment me dire le contraire. Je crois que tu as déjà peut-être entendu. Je pense que tu as déjà entendu parler de Anne-Marie Delcamp qui vient sur nos ondes et qui parle de l'islam. C'est un docteur en islamisation et elle est assez dure à battre sur certains points lorsqu'elle parle des sourates à l'intérieur de l'islam. Oui, mais moi je te dis pas que l'islam est une religion d'amour et que c'est comme le christianisme. Je te dis que aujourd'hui l'islam progresse dans l'esprit de certaines personnes. Un, sur de la misère sociale chez les Maghrébins, et deux, sur des Français comme moi, sur le fait qu'on nous a détruit notre religion, et que c'est plutôt la République maçonne qui l'a détruit, et qu'en fait, c'est nous-mêmes qui avons fait ce travail de destruction. Et que le meilleur moyen, finalement, de bloquer l'expansion de l'islam en terre chrétienne, ça serait tout simplement de renouer avec nos valeurs à nous. Oh. Et je pense que même les musulmans nous respecteraient beaucoup plus. Pourquoi les musulmans nous méprisent? Alain, là-dessus, je suis pas d'accord. De toute manière, si on ne pratique plus le catholicisme ou le christianisme, peu importe la religion que tu voudras, c'est tout simplement probablement une évolution de l'être humain au niveau de sa logistique en tant que logistique intellectuelle. Tu sais, un moment donné, chaque chose en son temps, chaque chose évolue, chaque chose. Tu sais, il y a des trucs qui apparaissent, il y en a d'autres qui disparaissent. Et là, en ce moment, je pense pas qu'il faut revenir à nos valeurs comme dans le temps, là, avec nos grands-parents, puis qu'elle allait tout simplement labourer les champs. Je crois qu'il est temps de se concentrer en 2006. C'est quoi qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut amener comme point positif pour améliorer la situation avec les musulmans. Et ça, c'est très nécessaire. Des insultes. Je pense qu'il faut arrêter de les insulter comme dans le monde, arrêter de les envahir militairement comme le fait George Bush, arrêter de persécuter les Palestiniens comme le font les sionistes, et déjà, ils seront moins paranoïaques, parce qu'ils ont raison de l'être, ils seront moins agressifs, et ils auront moins un sentiment d'injustice, parce qu'en réalité, eux se sentent complètement écrasés par notre civilisation occidentale, de l'argent, du sexe, de la consommation. Et eux, quand on dit à un musulman qui méprise la femme, ils vous disent, mais vous, en Occident, vous montrez les femmes à poil, vous les transformez en putains et en objets de désir sexuel, et ils disent, vous croyez que c'est ça le respect de la femme? Et moi j'ai fait un texte qui s'appelle Le voile et le string, où je montre que finalement, il y a deux manières d'opprimer la femme, il y a le voile et le string, c'est-à-dire la prostitution occidentale et la marchandisation, et oui. C'est largement aussi laid, et je dis simplement, on n'a pas de leçon à donner aux musulmans, en ce moment, en tant que société consumériste, décadente et complètement sexualisée, et complètement, je dirais, dans la perversité sexuelle. Sauf que les musulmans, en majeure partie, les musulmans extrémistes, parce qu'il ne faut pas non plus généraliser, je suis tout à fait d'accord avec ça. J'en ai pas rencontré beaucoup de musulmans extrémistes, je dirais franchement. Ouais, t'es peut-être pas allé au bon endroit, je sais pas. Ben non, mais je suis à Paris, en France, j'en ai pas rencontré tant que ça. Okay. Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes, il y en a pas beaucoup. Mais il y a ici, de toute manière, au niveau des mosquées, par exemple, eux demandent qu'on les respecte énormément. C'est ce qu'on essaie de faire, mais disons que c'est assez difficile. Et je pense que c'est typiquement humain, Alain, de réagir comme ça lorsqu'il y a des histoires d'attentats terroristes. Mais moi, ce que je vais te dire, pour la France, oui. C'est que Nicolas Sarkozy, qui oui. est le candidat sioniste français, oui. est pour le financement public des mosquées. C'est lui qui a créé qui a organisé l'islam de France officiellement. C'est-à-dire que il y a un double langage chez ces gens-là qui est très étrange, tu vois. Oui. C'est que Sarkozy, en même temps, soi-disant qu'il s'opposerait à l'islam, fait tout pour l'aider à se structurer en France. C'est quand même très bizarre, tu oui. vois. C'est que moi, si j'étais Sarkozy, je serais pas pour le financement public des mosquées. C'est-à-dire que l'État français n'a pas à financer les mosquées, tu vois. Marine Le Pen a parfaitement raison contre lui. S'il y a des mosquées qui doivent se construire en France, elles doivent être payées par les fidèles. Et parce que c'est de la sphère privée, ça s'appelle la liberté de culte. Mais moi, ce que je trouve étrange, c'est que les champions officiels du sionisme en France sont ceux qui font le plus, finalement, pour que s'implante l'islam en France. Ils le font par l'idéologie de gauche, de la LICRA, oui. des loges et du gauchisme trotskiste, et ils le font aujourd'hui par la droite sioniste incarnée par Sarkozy, qui est quelque part, qui annonce officiellement la volonté de la discrimination positive envers les Maghrébins, le financement étatique des mosquées. Donc je suis très étonné de ce double langage, et à okay. gauche et à droite. Mais qu'est-ce que tu veux, on me demande, Alain, via le live urbain sur hockey.com, qu'est-ce que tu veux entendre par sionisme? Ça serait bien que tu l'expliques, parce que les auditeurs me le demandent. Ben, sionisme en France, c'est quelque chose de très simple. Ce sont des gens qui sont en général français, et souvent d'origine ou de confession juive, et d'ailleurs pas systématiquement, qui se sont aussi ralliés, et qui ont en permanence à l'esprit les intérêts et la défense de l'État d'Israël. C'est très présent en France. Il faut savoir qu'en France, on a une communauté juive très importante, qui est la plus importante d'Europe et de très loin, puisque nous avons de 6 à 700 000 juifs, alors qu'il y en a que 40 000 en Italie, par exemple, tu vois, et que c'est très présent dans le discours français. Et que les gens qui sont dans le proche des sphères de pouvoir, et ouais. que ce soit médiatique ou politique, savent que la communauté organisée sioniste est très présente, très puissante, très organisée en France, et en permanence à défense des intérêts sionistes. Or, aujourd'hui, beaucoup de gens qui se réclament de cette tendance, et notamment Nicolas Sarkozy, c'est pratiquement, c'est assez officiel. C'est assez officiel, oui. Finalement, lui est pour le financement étatique des mosquées, il a organisé l'islam de France, il est pour la discrimination positive, il a finalement une attitude que j'estime assez étrange, et la tendance, on va dire, des sionistes de gauche, qui existent aussi, qui sont les gens proches de la LICRA comme M. Gobert, ont systématiquement emmerdé les Français de souche quand ils se plaignaient de l'immigration, et ont beaucoup persécuté M. Le Pen et beaucoup diabolisé M. Le Pen, qui lui était le premier depuis 30 ans à montrer du doigt les dangers de l'immigration maghrébine et musulmane. Donc il fallait que ces gens-là ont diabolisé et marginalisé le Front National depuis 30 ans, il faut pas qu'ils se plaignent, alors qu'ils se sont opposés à l'homme qui s'opposait depuis 30 ans à l'islamisation de la France. Comment tu vas leur expliquer ça, toi? Alain, comment tu vas leur expliquer ça, toi, que dans le fond, ton commerce, d'une certaine façon, ce que t'es à quelque part, Alain, c'est la sexualisation, ton fond de commerce, et puis c'est sur ce type de sujet qu'il est majoritairement invité sur les plateaux de télé. Alors, comment tu vas faire pour expliquer aux musulmans que, moi, Alain Soral, j'ai fait ceci, cela avec tant de femmes? Comment tu vas expliquer à ces gens-là? Et moi, j'essaye pas de plaire aux musulmans. Non. Je fais pas de complexe. Non, je sais que tu essaies pas de plaire aux musulmans. Mais eux, ils sont pas d'accord avec ton mode de fonctionnement en partant. Je me fous que les musulmans soient d'accord avec mon mode de fonctionnement. Ouais, mais eux autres, ils vont venir te le dire un moment donné, avec un AK-47. Qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Ah, mais moi, je pense pas que demain les musulmans en France, à Paris ou à Bayonne, là où je suis, vont venir chez moi avec un AK-45. Je n'y crois pas du tout. Je pense que les musulmans me respectent dans la mesure où je ne leur manque pas de respect, ouais. Et que par contre, et que je ne leur lèche pas le cul. C'est-à-dire que moi je dis je suis français catholique, je suis gaulois, j'exige de tout le monde, c'est-à-dire des juifs comme des musulmans qui respectent les valeurs de la France, qui sont des valeurs helléno-chrétiennes, ouais. Et gallo-romaines, ouais. Et je suis, et les gens me respectent pour ça, et d'ailleurs, et les musulmans, mais et les juifs, parce que je suis assez respecté par les juifs, et les gens qui me manquent de respect sont souvent des agents doubles, des gens un peu troubles, et ce sont souvent d'ailleurs des gauchistes, qui sont d'ailleurs les mêmes qui détestent Dantec. Ce sont les petits trotskistes, les petits foireux du Parti Socialiste, les gens ne touchent pas à mon pote, les gens de ni pute ni soumise, c'est-à-dire tout ce réseau maçonno-trotskiste. Ce sont ces gens-là qui me détestent. Et ce qui est bizarre d'ailleurs, c'est qu'ils détestent autant Dantec que moi. Donc finalement, la position n'est pas frontale, on est plutôt dans une situation triangulaire, tu vois. Exactement d'ailleurs comme aujourd'hui le monde est triangulaire. On voit des Américains, des Européens, des musulmans, et il n'y a pas deux fronts, okay. Il y en a plutôt trois. Où est-ce que dans le fond, moi je te pose la question qui est la suivante là, où étaient les connards de franchouille pendant que les Canadiens français se faisaient tuer à Jeno Beach? Dis-moi. Où ça? À Jeno Beach. Ah, au débarquement de Normandie? Voilà. Où étaient les connards de français? Oui. Eh ben ils faisaient comme tout le monde, ils attendaient que ça se passe. Mais je te ferai quand même remarquer, oui. Que le débarquement de Normandie, ce qui est très bien d'ailleurs, c'est 9000 morts. Ce qui est quand même très peu. Si. Les Français ont perdu pendant la guerre 450 000 personnes. 50 000 Normands ont été tués par les bombardements anglo-américains. Et ceux qui ont fait le vrai travail, ce sont les Russes. C'est-à-dire que les Américains avec les Canadiens ont débarqué en Normandie une fois que les Russes avaient sacrifié 20 millions d'hommes de leur peuple slave pour doter le cul à Adolf Hitler. C'est pour ça que moi, j'ai un très grand respect pour le peuple russe, tu vois, et pour les Slaves. Et je pense que si l'Europe doit être sauvée demain, l'Europe chrétienne, okay. elle le sera par les Slaves orthodoxes incarnés par Poutine, et sûrement pas par les chrétiens sionistes incarnés par George Bush, tu vois ce que je veux dire? Oui. Et c'est là où je demande à Dantec de réfléchir. Moi, je suis pour qu'on sauve le monde chrétien, mais pour ça, je pense qu'il vaut mieux se tourner vers Moscou et Berlin. Voilà, c'est ça mon analyse. Si... Et surtout pas vers New York et Tel Aviv. Ah, ben pourquoi pas, tiens. Ah, ben c'est une question que je pose, hein. Non, mais dis-moi, la sourate 5, ok, verset 51, précise, ne prenez pas pour amis les juifs et les chrétiens. Non, mais moi, tu peux lire, je peux te lire aussi toutes les contradictions oui. qu'il y a dans la Bible. Non, je joue pas cette partie-là. Toutes les religions sont ambivalentes. Joue franc jeu. Hey, Alain, entre toi puis moi, le joue franc jeu, là, s'il te plaît, ok? Sois honnête, t'es pas honnête en faisant ça. T'es un mec qui est vraiment intelligent. T'es très intelligent, Alain, ok? Mais il y a une chose qui est sûre. Pardon? Cultivé? Je suis très intelligent et très cultivé, j'ai beaucoup lu. Moi, je vais dire cultivé aussi, c'est vrai, tout à fait. Mais il y a une chose qui est sûre, la sourate que j'ai devant moi, ok? C'est Anne-Marie Delcambre, qui est un professeur en islamisation et docteur d'État. Alors, je pense que aussi, à quelque part, et c'est pas une deux de pique, là. Tu viendras réécouter le vendredi, hein, et elle passe au même temps que je t'ai lâché un coup de fil. C'est un peu loin pour moi, mais tu sais, moi j'ai étudié l'islam, et je crois pas du tout. Non, mais elle, c'est un docteur. C'est un docteur. Est-ce que t'es docteur? Non, mais je crois... Bon, ben c'est ça, alors. Tu sais, chaque chose en son temps, mon ami. T'es pas docteur, elle, c'est un docteur. Elle a fait ça toute sa vie. Elle a fait ça toute sa vie, Alain. Regarde, ce sera vraiment pas là, ok? Arrête de me couper la parole, je te respecte là-dessus, je veux pas trop te couper la parole. Alors, dans le fond... Je te dis que je suis d'accord avec toi sur le fait que le prophète armé et que l'islam est plutôt une religion expansionniste, prosélytique, et je te dis pas du tout que l'islam est comparable au bouddhisme, okay. Ou à un certain christianisme laïcisé. Je suis d'accord avec toi, mais je te dis que ce n'est pas notre pire ennemi, et je te dis qu'on surévalue sa force et sa capacité de nuisance, et que cette surévaluation est la stratégie même américano-sioniste. C'est une stratégie, voilà. Je te dis qu'on exagère le danger islamique. Et que cette exagération est une stratégie de communication qui est mise en place en Europe par les américano-sionistes pour nous faire participer à leur conflit de civilisation et à leur djihad à eux. Voilà. Et je dis que je n'y crois pas. Je ne te dis pas que l'islam n'est pas dangereux. Je te dis que l'islam n'a pas les moyens en ce moment de ses prétentions. Voilà, si tu veux être très précis. Voilà. Oui, c'est ce que je veux, Alain. Moi, je cherche pas non plus à essayer... C'est même pas dans mon intérêt aujourd'hui de faire une entrevue, de te dire que t'es un sale con ou autre truc comme ça. Moi, dans mon intérêt, c'est de t'écouter parler, savoir ce que t'as à dire, ce que t'as dans les tripes, c'est ben, carrément précis, ça. Là. Ok? Je suis précis. Ben, moi... Je ne te dis pas que les musulmans sont des gentils, mais je te dis qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens d'être méchants aujourd'hui face à l'Occident, et notamment par rapport à ce qu'on appelle les chrétiens sionistes, c'est-à-dire l'axe américano-sioniste qu'on appelle l'axe du bien. Est-ce qu'on pourrait... dire que l'axe du bien est beaucoup plus puissant que ce pseudo-axe du mal, et qu'en réalité l'axe du mal, malheureusement, c'est plutôt que se défendre par des petits moyens qui sont le terrorisme, exactement comme les Palestiniens quand ils deviennent des bombes humaines, c'est parce qu'au bout de 60 ans de résistance où ils ne font que perdre tout leur combat, et on le voit encore aujourd'hui, et ben ils en sont réduits à ces extrêmes-là. Mais Alain, dis-moi, notre pire ennemi en ce moment, est-ce que l'on devrait craindre notre pire ennemi en ce moment, est-ce que ce serait les Chinois, par exemple? Ah ben moi je pense que les Chinois ont beaucoup plus de moyens de nous botter le cul dans l'avenir que les Arabes, oui, ça c'est clair. C'était déjà la thèse de Louis-Ferdinand Céline, qui est mon écrivain préféré, comme celui de Dantec. Et il l'écrivait déjà à la fin des années 50, que de toute façon, les Chinois régleraient la question de fond, tu vois. Et je pense que Dantec, comme moi, sait de quoi parlait Céline quand il parlait de la question de fond. Parce qu'il a lu les mêmes livres que moi, monsieur Dantec, tu vois. Ok, ok. Il a lu tous les livres interdits, et je l'en félicite. Les Russes, est-ce qu'ils avaient signé le pacte germano-soviétique? Hitler, alias Staline. Oui, ils l'avaient signé, bien sûr. Il avait signé pour continuer à pouvoir s'armer, il avait signé parce que dans leur logique stalinienne, c'est-à-dire une logique de révolution qui n'était plus internationale mais nationale et qui était une forme de national-socialisme ça s'appelle le stalinisme, ils avaient tout à fait raison de le faire, c'était très intelligent. La preuve, c'est que Staline a fait, grâce à son intelligence politique, de la Russie, qui était une petite puissance en 1905, une puissance qui se faisait botter le cul par toutes les puissances d'Europe, il en a fait la deuxième puissance du monde, rivale de la très grande Amérique, et je pense que tous les Russes aujourd'hui sont des nostalgiques de Staline, qui avait fait de l'Empire soviétique une énorme puissance, qui imposait le respect au monde entier, alors qu'un pauvre type comme Gorbatchev en a fait, une puissance qui se fait humilier en permanence par les Américains, et qui se fait piquer un à un tous les joyaux de son empire, notamment par Monsieur Soros, qui travaille pour l'axe du bien. On l'a vu en Ukraine, on l'a vu en Biélorussie, et je pense que tout ça, tu connais ce sujet à peu près, et que, en fait, le connais sûrement encore mieux que toi, et je te dis que, heureusement aujourd'hui, Poutine est en train de redresser un petit peu les choses, et de remettre sur pied l'Empire russe, et je m'en félicite. Moi, je suis un très grand admirateur de Monsieur Poutine. C'est vrai? Bien sûr. Parce que moi, je suis comme Dantec, et j'aime les nations fortes et fières d'elles-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Mais la Russie, elle aussi, est en train de se faire envahir concernant les musulmans, Alain, les autres. Oui, je pense que mais d'après toi, qui est-ce qui a armé les islamistes tchétchènes? Tu crois que c'est les Russes qui l'ont fait ou les Américains? D'où vient la question tchétchène, d'après toi? Qui a armé les tchétchènes? Réfléchis. Tu vas voir, tu vas trouver la réponse très vite. Oui, je vois. Hein? Voilà. Donc c'est une fois plus la démonstration de ce que je te dis. Les Américains mettent des islamistes partout au monde pour affaiblir les Russes et affaiblir l'axe, la progression de l'Eurasie, c'est-à-dire Paris, Berlin, Moscou, Pékin, et ils jouent un jeu dangereux. Ils mettent les musulmans partout au pouvoir. Et pourquoi les mettent au pouvoir? Parce qu'ils savent que ce sont des faibles et qu'ils pourront les envahir et leur botter le cul comme ils veulent. Et je te dis qu'aujourd'hui, le meilleur allié des islamistes au monde, ce sont en réalité les Américains. C'est très subtil comme stratégie, et c'est déjà écrit chez les géopoliticiens américains dès les années 70, parce qu'ils avaient anticipé sur le déclin de l'URSS, et ils disent il faut qu'on se trouve un nouvel ennemi après l'Union soviétique, qui va justifier notre impérialisme américain et le présenter au nom du peuple américain qui est démocrate comme une stratégie de défense, car une démocratie ne peut pas vendre auprès de son propre peuple. Mais ça revient à dire encore que dans la menace islamique. Oui, mais dans le Coran, Alain, là, il y a une chose qui est très claire. Au Coran, parce que tu veux pas m'entendre finir ma diatribe sur le fait que l'islamisme est une stratégie américaine. Voilà. Alors elle n'est pas fondée sur rien. Mais je veux dire, c'est une loupe américaine mise sur un petit problème. Voilà. Qui peut d'ailleurs être un petit problème très chiant sur le plan local, quand on vit dans une banlieue parisienne pauvre, ou quand on vit dans certains endroits, dans un pays... Mais est-ce que tu es d'accord sur une chose? Est-ce que tu es d'accord sur une chose? S'ils ne sont pas d'accord, les musulmans, avec nos valeurs occidentales, alors pourquoi ils émigrent chez nous? Et pourquoi ils nous demandent des subventions pour leur foutue mosquée, quand même? Parce qu'on les a fait venir, premièrement, c'est Giscard et Chirac qui les ont fait venir. Deuxièmement, parce que la LICRA et toutes les élites, trotsko-maçonniques, leur ont dit qu'on était, que les occidentaux, les catholiques, les français étaient de la merde, tu vois ce que je veux dire, je vais pas te raconter 30 ans d'histoire, parce qu'ils ont empêché M. Le Pen de dire que l'immigration maghrébine était dangereuse, et que finalement, voilà. voilà, je veux dire, le sale boulot a été fait, et c'est tout. Et aujourd'hui, ils sont là, c'est nous qui les avons fait venir, ce sont des gens chez nous qui leur ont donné les pleins pouvoirs de nous insulter, de nous critiquer, et moi, comme je suis un type honnête, quand on jette une pierre dans mon jardin, je ne vais pas frapper la pierre, je cherche la main qui l'a jetée, tu vois ce que je veux dire? Oui. Et la main qui a jeté cette pierre dans mon jardin, ce n'est pas l'islam, ce n'est pas les musulmans. L'islam et les musulmans, c'est la pierre. La main qui a acheté ça dans notre jardin, c'est le patronat français, la bourgeoisie française, la vieille tradition maçonnique française, et certaines élites que je ne peux pas nommer, sinon je risque de me retrouver en prison. Voilà. Tu vois? Dis-moi... Et tout le monde l'a compris, tout le monde le sait, y compris M. Dantec. Qu'est-ce que tu penses, Alain? M. Dantec n'a pas les couilles de s'affronter à cette vraie puissance, donc il affronte les musulmans, parce que les musulmans, c'est un ennemi facile. C'est un ennemi fragile et faible, tu vois. Il n'a pas les couilles d'affronter... Ouais, ça, c'est, je suis pas d'accord avec toi là-dessus du tout. Et c'est des gens qui sont hyper organisés, hein, de plus en plus. On a fait la constatation dernièrement, justement, avec les 17 présumés terroristes, ici en Ontario. Ils étaient prêts à faire péter et solide pas mal de... Oh oui, ils voulaient même couper... Hey, c'est pas compliqué, Alain. Ils étaient tellement bien organisés qu'ils avaient le plan de match était de couper la tête du président ici, qui est Stephen Harper. Ils sont hyper organisés. C'est pas des gens qui sont dénués de tout pouvoir quand même. Ils sont capables de faire très mal, très très mal. Ah mais je te dis pas le contraire. Mais ils n'ont jamais que proliféré sur nos faiblesses et sur nos petits marionnes qui nous ont affaiblis systématiquement, tu vois. Okay. C'est-à-dire que c'est ça, je dis ça, je le redis autant que ça que tu veux. Et moi je te parle de la situation française que je connais bien, je ne me permettrai pas de qui est assez chaotique. Canadienne. Elle est assez chaotique. En France, la France a perdu tous les moyens de se défendre contre l'immigration, contre l'islam, etc. A perdu tous les moyens de se défendre en tant que peuple, en tant que nation chrétienne, etc. Et cet affaiblissement n'est pas venu des musulmans ni de l'islam, il est venu d'ailleurs. Et ce travail-là, si tu veux t'y intéresser, il te faut pas très longtemps pour comprendre d'où c'est venu. Voilà. Qu'est-ce que tu penses, Alain? On le subit encore aujourd'hui. Alain, qu'est-ce que tu penses de la tribuca? Deux mots peut-être sur ça? Eh ben la tribuca, si tu veux, c'est l'imitation du côté des Noirs de ce que font la LDJ et le Bétard du côté des Juifs. Donc si tu veux, ils les ont imités. Voilà. Bon ben, le problème c'est que quand la République française, l'État français et la police française admettent ouvertement qu'en France existent des milices communautaires extrémistes qui frappent, qui ratonnent des citoyens français comme moi, eh ben ça crée une jurisprudence qui fait que d'autres communautés se sentent le droit de faire pareil. Donc moi je suis pour la dissolution de la tribuca, mais aussi pour la dissolution du Bétard et de la LDJ. Okay. La LDJ étant interdite en Israël et aux États-Unis. C'est ça. Parce que c'est encore contre les Juifs, hein. Tu sais que c'est encore contre les Juifs que la tribuca a un problème, hein. Qu'est-ce qu'elle a comme problème, la tribuca? La tribuca, elle a un problème avec les Juifs. Oui, mais c'est des histoires entre eux, ça. C'est des histoires de délire communautaire, de peuple élu, de... Ben, c'est du racisme. C'est une histoire de racisme, c'est le racisme noir contre le racisme juif, oui. Okay. Bon ben, c'est très éloigné de ce qu'on appelle la République française. Normalement, ces gens-là devraient être des citoyens français, okay. Et tout devrait bien se passer. Mais comme d'un seul coup, il y a des milices racistes qui se mettent en place en France et qui ratonnent, d'ailleurs qui ratonnent des Français, des Noirs, etc., ça crée des tensions communautaires et ça crée des milices et des contre-milices. Et moi, j'ai dit très tôt dans mes livres qu'il fallait arrêter tout ça. Tu vois, le problème en France, c'est que on laisse certaines milices agir impunément, et que ça crée finalement d'autres milices. Et moi je suis pour la dissolution de la tribuca et la dissolution de la LDJ. Or le problème en France aujourd'hui, c'est que la tribuca va être dissoute en 24 heures, et que on a aujourd'hui des syndicalistes de la police, notamment un délégué syndical de la CFTC, qui dit que la LDJ et le Bétard font un rôle d'auxiliaire de police dont il se félicite, alors que la LDJ a poignardé il y a 2 ans un commissaire de police. Et tout ça impunément. C'est-à-dire donc qu'on est dans une situation très très à deux poids deux mesures en France qui est très dangereux, et je le déplore, et je pense moi qu'il faudrait dissoudre toutes les milices au nom de la République qui normalement n'admet pas les milices communautaires. Tu vois? Est-ce que tu es capable de me définir, Alain, le racisme fait par les Juifs? Ça peut ressembler à quoi? J'ai pas dit le racisme fait par les Juifs, j'ai dit qu'il y a certains... Non, je te demande de me définir, ça ressemble à quoi le racisme fait par les Juifs? Ah mais moi je dis pas que c'est du racisme juif, je dis qu'il y a certains extrémistes qui se réclament d'ailleurs de la communauté juive et qui eux ont une vision, qui se réclament ouvertement d'un théoricien qui s'appelle Jabotinsky, tu n'as qu'à le lire, tu lis le mur de fer, tu vas sur le site du Bétard, il y a tous ses textes, et qui lui est un idéologue dont le maître à penser est Mussolini, et qui lui effectivement affiche ouvertement une idéologie raciste, racialiste, colonialiste. C'est d'ailleurs son droit, parce que moi je suis pour la liberté totale. Mais à un moment donné, il faut assumer, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut reconnaître qu'il y a des milices d'extrême droite juive et qui ont un discours de type raciste, élitiste, dominateur, oui. etc. Et que malheureusement, ces gens-là et ceux-là seuls ont l'impunité totale. C'est-à-dire que M. Le Pen ne pourrait pas dire le dixième de ce que disent ces gens-là. Et du coup, ça crée des débiles comme les gens de la tribu K. Oui, mais c'est parce que c'est strictement le même. Alain, tantôt, c'est toi qui as dit que les Juifs étaient racistes aussi à leur façon. Tu peux m'expliquer qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai pas dit les Juifs, parce que les Juifs, c'est très complexe. Okay. Alors, les Juifs, pour moi, c'est déjà de l'antisémitisme. Okay. C'est comme de dire les Arabes, les Français, il y a une très grande diversité chez les Juifs. Il y en a de gauche, de droite, des laïcs, des religieux. Okay. Chez les religieux, il y a des sionistes religieux. Mais il y a des religieux antisionistes et des religieux sionistes. Okay. C'est très soit. Mais les Juifs, là, j'aimerais ça le savoir, Alain. Là, quel genre de racisme les Juifs peuvent faire à l'endroit, je sais pas moi, des musulmans, des blancs occidentaux. Ça peut ressembler à quoi le racisme juif? Non, je te parle d'une certaine idéologie d'extrême droite prônée par certaines. Notamment par les gens de la LDJ et du Bétard, et ayant le droit, eux, de proférer des idées d'extrême droite, effectivement, ça fait un effet de contagion. Tu vois, voilà, c'est tout. Okay. Donc, alors, tu me feras pas glisser sur un terrain qui ne m'intéresse pas, de parler du racisme juif, parce que je pense que le racisme juif, c'est une fausse question. C'est comme dire le racisme chrétien, c'est des questions. Mais non, mais explique-le! Explique-le! C'est toi qui as dit ça tout à l'heure! Comment? Mais c'est toi qui as dit ça tout à l'heure. Explique-moi, c'est quoi comment un juif peut être raciste? C'est quoi qu'il va faire comme type de racisme envers les autres? Ah ben, je vais te le dire très simplement. Vas-y. Quand on prétend faire partie d'un peuple qui est le peuple élu et qu'on pense que cette élection, cette supériorité d'ordre divin se transmet par la loi du sang, c'est-à-dire par le sang de la mère, eh ben effectivement, on peut dire qu'il y a là-dedans un contenu qui tendanciellement pourrait être, si on a fait une lecture laïque et de type universaliste humaniste, oui. à contenir certains germes racistes, bien sûr, okay. c'est indéniable. Des et germes, après, on va dire, tu l'as dit, des germes, c'est ça, des germes, des germes. Oui, oui mais c'est, ça me paraît clair comme démonstration. Oh, oui, tout à fait, c'est très clair. J'appartiens à un peuple supérieur de droit divin et ça se transmet par le sang de ma mère. Effectivement, c'est la supériorité légitimée ouais. par le sang, ça peut être considéré comme raciste. Ça a été un débat qui a été même à l'ONU, on en débat depuis très longtemps, c'est un débat très intéressant, mais après, bon, on peut dire c'est de la liberté de culte, c'est une religion, si ça reste dans la sphère privée, Alain, la liberté de culte, ça ne pose pas de problème. Okay, mais Alain... problème quand ça vient dans la sphère politique. Et oui. en France, normalement, ça devrait pas poser de problème. Alain, on a l'impression, les auditeurs me disent que tu mélanges les peuples et les religions. Ah ben, je suis désolé, le judaïsme, c'est à la fois un peuple, une religion... c'est tout ça en même temps. Excuse-moi, je connais un peu mieux la question que vous, alors, tu vois, hein? Tu vois, Oui, c'est vrai, t'es tellement intelligent. C'est une nation d'un peuple et d'une religion chez les juifs. Je suis désolé, hein, là, je veux pas blasphémer, tu vois. Hein? C'est comme l'islam est une religion et une nation en même temps, c'est une religion politique, tu vois ce que je veux dire. Il y a que le christianisme qui fait la séparation totale, tu vois, qui est que complètement, on va dire, privatisé. C'est-à-dire que c'est un problème d'âme et d'individu, tu vois. Et encore, dans le catholicisme d'État, c'est-à-dire les monarchies théocratiques, c'est-à-dire avant la Révolution française, oui. on pouvait parler effectivement de religion d'État, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais il y a finalement dans les trois monothéismes aujourd'hui, il n'y a que le mien, c'est-à-dire le christianisme, qui est là, on va dire, réduit à la sphère privée. Tu vois? Les crétins qu'on appelle par ici. Comment? On appelle ça les crétins par ici. Oui, on peut les appeler comme on veut. Mais mais j'ai très bien conscience que... Donc à la fois oui. le judaïsme et l'islam sont des religions politiques, tu vois ce que je veux dire, profondément. Oui. On me dit ici, Alain, que l'islam n'est pas un peuple. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une nation. Alors un peuple, non, puisque ça n'est pas la définition qu'on donne d'un peuple, mais puisque je te dis que le plus grand nombre de musulmans aujourd'hui sont des gens qui, racialement, ne sont pas des arabes, puisque c'est l'Indonésie, tu vois ce que je veux dire. Donc ce sont, là où il y a le plus de musulmans aujourd'hui, c'est dans la sphère indienne. Pour voir ce que tu dis, j'en ai vu. Donc effectivement, l'islam n'est pas un peuple, oui. Mais comme de dire que les juifs sont un peuple, c'est très ambigu, puisque les séfarades et les ashkénazes ne sont génétiquement pas du tout de la même origine. Okay. On voit bien qu'il y en a qui sont des gens qui viennent d'Europe de l'Est et qui sont plutôt blonds, roux, et qui me ressembleraient plutôt à moi, et dont on dit qu'ils seraient plutôt originaires de la région des Khazars, alors que les séfarades sont des juifs arabes, et on voit bien que racialement c'est pas les mêmes. Donc tout ça, ce sont des questions... qui sont pas très intéressantes, puisque ce qui compte, c'est plutôt les idées, qu'est-ce que les idées contiennent, par rapport à des bornes symboliques qui sont le progressisme, la réaction, la droite, la gauche. Ouais. Et moi, on a le droit d'être de droite, on a le droit d'être réactionnaire, je suis peut-être un peu même moi-même, ce que je n'aime pas, c'est... Oui, oui, moi je te dirais plutôt, Alain, t'es trop toi-même, je dirais même que la plupart des gens te considèrent très prétentieux. Mais j'ai des raisons d'être prétentieux. Pourquoi t'as des raisons d'être prétentieux puis d'être au-dessus de tout le monde, de faire du myself and I? J'ai des raisons d'être prétentieux parce que j'ai écrit 9 bouquins dans ma vie qui sont sérieux et qui fait que j'ai le droit de parler, c'est tout. Ok. Les gens modestes ont souvent raison de l'être, hein. Ok. Je ne suis pas plus modeste que d'un tech, tu vois ce que je veux dire. Ok. J'avoue tout à fait que j'ai cette humilité de me reconnaître assez prétentieux. Oui, ok. Parce que j'ai un cerveau qui fonctionne bien. Ah, t'as un cerveau qui fonctionne bien. Voilà. Bon. Je vais essayer de garder intact, d'ailleurs. C'est pour ça que j'évite les dérapages maintenant, tu vois. Ok. Je dis à Dantec, effectivement, qu'il fasse ça comme moi, de penser qu'on peut rigoler sur certains sujets. Moi, j'ai été menacé physiquement, agressé physiquement. Ça me ferait beaucoup chier que Dantec soit agressé par des islamistes et des musulmans fanatiques en France à cause de ce qu'il a dit bêtement. Oui. Et je dis aux islamistes, aux musulmans, Dantec est un artiste, Dantec est un auteur de science-fiction. Maurice G. Dantec, qui est un artiste aussi. J'espère que tu te reconnais comme un artiste. C'est ce que je dis Dantec, c'est un type comme moi, c'est un artiste, il faut le respecter comme un artiste. Un artiste, et surtout pas l'agresser physiquement comme on m'a agressé moi. Et je n'aimerais pas que Dantec se fasse agresser les musulmans, comme moi j'ai été agressé par les juifs extrémistes, puisque moi ça m'est arrivé. Et je dis à Dantec, fais attention quand tu te mets à déconner comme ça à la radio pour t'amuser, c'est que tu peux heurter des gens qui fonctionnent avec leur cerveau reptilien, et qui ne sont pas tous prix Nobel, même s'ils parlent beaucoup des prix Nobel de leur peuple, et qu'il y a vraiment des cons dans les communautés d'extrémistes, et que c'est toujours extrémistes. Oui, mais est-ce que tu crois qu'en étant un petit peu plus toi-même, tu réussirais à vendre davantage de bouquins? Est-ce que tu croirais que... Moi, je suis pas un commerçant, moi. Ah non, t'es pas un commerçant. Pour les vendre. Ben, t'es un vendeur. T'es en train de vendre Alain Soral, là. Je suis désolé. Ce que tu fais en ce moment avec moi, c'est de la vente. Tu te vends. Tu vends ta personne, ta personnalité, tes opinions. C'est comme ça que ça fonctionne. T'es en train de faire d'une certaine façon un commerce. C'est comme ça que ça s'appelle. Oui, à part qu'en France, je vais te dire un truc que tu sais pas. C'est que quand t'es un peu en France, tu passes beaucoup moins facilement à la télévision, tu vois ce que je veux dire? Ok. Tu vois? Ça, tout le monde le sait, hein. Ouais. C'est pour ça que Dieudonné a disparu des médias, tu vois? C'est-à-dire que si j'étais commerçant, je serais sioniste aujourd'hui, tu vois? Comme Dantec. Parce que je peux te dire que c'est plus facile, hein, quand même, hein. Mais comme je suis un honnête homme, et que mes valeurs ne me conduisent pas vers cette idéologie-là, eh ben, je reste fidèle à mes valeurs. Oui. Si t'as été un petit peu marginalisé, tes valeurs. Vendre moins de livres. On peut en parler de tes valeurs. J'imagine que t'as subi quand même une grande frustration étant jeune en ayant un problème avec tes parents qui sont un couple mal marié, c'est bien ça? Oui, mais je m'en suis remis très bien. Comme j'étais grand, bon et fort, et que j'ai baisé plein de gonzesses, je m'en suis remis très bien. Très narcissique, le complexe narcissique, Alain, attention. Après, je vais te dire mieux que ça, parce que je vais te dire la vérité. Vas-y. J'ai eu la chance et le mérite d'épouser une très belle femme de très bonne famille, ce qui fait que j'ai pas besoin de travailler, ma femme est riche, tu vois ce que je veux dire? Donc en plus, je suis un macro, tu vois, un profiteur. Sur l'argent de ma femme. On appelle ça un profiteur. Voilà, bah il faut que tu le saches. Donc j'ai même pas besoin de vendre des livres, tu vois. C'est pour ça que je m'en fous un peu, tu vois. Ok. Je suis pas. Ok. Parce que, alors peut-être que Dantec, lui, pour des raisons physiques, effectivement, a épousé une pauvre, ce qui était au-dessus de mes moyens, et qu'il est obligé de vendre beaucoup de livres pour payer son train de vie, et que ça l'oblige à être plus sioniste que moi. Voilà. Oh merde, c'est bon. Tu vois à quoi ça joue finalement, hein. Oui, j'aurais eu de l'acné à l'adolescence, mais aujourd'hui je suis sioniste, tu vois. J'aime ça, mec. Je joue à ça, tu vois. J'aime ça, moi, Alain. J'adore ça aujourd'hui. C'est pour rire, hein. Oh, je m'amuse moi aussi. Tu sais bien que la première fois que j'ai vu ta tronche, on m'a dit fais attention, il est dangereux. Je suis pas dangereux du tout, moi. Je suis dangereux que pour moi-même. Tout massacrer. Mais non, je suis dangereux uniquement pour moi-même. Mais l'approche d'être suicidaire. Il est clair, Alain, aussitôt que tu viens ici au Québec, si un jour tu fais le saut d'une certaine façon, on ne sait pas pour vendre tes livres, mais Dieu sait, tu n'as pas besoin de vendre tes livres. Tu t'es marié avec une femme riche, eh bien, je sais pas, moi je te propose un duel, parce que tu fais de la boxe. J'aimerais ça essayer de voir, de challenger à Alain Soral un duel de boxe, juste pour le plaisir. Ah bah écoute, si vous me payez le voyage, tableau. Alain, un instant, demande à ta copine là qu'elle te paye ton voyage. Ma femme, elle va quand même pas payer. Elle va quand même pas payer pour que tu puisses boxer avec moi. Ma femme, elle paye que pour moi. Non mais si vous me payez le voyage, je viens et on fait une vidéo. Il y a pas de problème. Moi, j'adore m'amuser, tu vois. Ah, ici, moi, je suis. Regarde, on met déjà parce que combien mesures-tu, Alain? 1m87. 1m87? Oui. Ce qui fait 6 et 3 presque, c'est ça? À peu près 6 pieds 3, oui. Parce que là, ils ont pas le même système métrique, ils sont un peu retardés en France, désolé. Non, le système métrique est beaucoup plus rationnel. Non! C'est un rare acquis effectif de la Révolution française, pour pas nous l'enlever. Le reste, c'est pratiquement une escroquerie. Moi, je suis d'accord un peu avec Demestre, qui était savoyard comme moi. Ok, ok. Au niveau de ton poids, ça ressemble à quoi? Je fais 84 kilos. 4 pouces, crème, tu fais un bon 200, hey, mon Dieu, 215 livres, est-ce que tu t'entraînes? Oui, je m'entraîne, oui. Ah oui, je suis correct en boxe encore, je suis pas mal. Hein. Ok, mais tu fais de la musculation un peu? Non, je fais pas du tout de musculation, je fais que de la boxe. Alors, probablement... Pieds-poings. Ok. Alors, probablement que t'es à peu près de la taille d'une feuille de papier et le roi de côté. Peut-être, je sais pas. Il y a des chances. Alain, J'avais défié Dantec, hein. Ah ben moi, je vais prendre le relais. Dantec va se faire représenter. Je vais prendre le relais pour lui. Je vais prendre le relais pour lui. Moi, j'ai l'impression qu'il a pas envie d'y aller, Dantec. Hein? Ah, il y a peut-être des chances aussi. Ou non, regarde, j'ai peut-être le commentaire ici de Dantec qui dit... Moi, je ferai avec plaisir un combat avec Dantec, et je te dis de toi à moi, tu lui diras, je serai gentil, je lui ferai pas mal. Mais c'est juste pour le voir sur un ring avec des gants. Ça me fait marrer, tu vois. Je promets de pas lui faire mal. Mais dans le fond, il y a une chose qui est sûre, c'est il y aura probablement pas de combat. Je serais vraiment surpris, Alain, que ça se passe ainsi. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que t'es le bienvenu pour en venir discuter sur les ondes du 3WRocket.com. Il y a une chose qui est... Je vais te dire un truc, je vais partout où on m'invite. Tu vas partout. Il n'y a aucun problème. Parfait comme ça. La prochaine fois, je vais t'en sacrer une tabarnak. Aïe, aïe. Christ tabarnak. Et voilà, mon ami. Salut. Salut, je t'embrasse. Bonne journée, moi aussi, je t'embrasse. Salut à Dantec. Tu diras que je l'aime bien quand même. Salut. Parce que je sais que c'est dur d'écrire des livres. C'est du boulot. Tu es en chier comme moi. Oui, tout à fait. T'en as fait seulement que 9 et je peux te dire une chose. Il paraît que ton papier est très fin et on peut se torcher avec. Oui, ouais, mais tu sais pourquoi j'écris moins que lui? Vas-y. Parce que la nuit, je danse beaucoup plus. Sale con. Salut. Salut. Hey, ciao.